C'est la fête, prends dans le cerf. Moi tout est sympa, après grimpe dans la chop. Faut faire avec, faut faire avec. Trop de paramètres pour nous revoir ensemble. J'suis dans le Merco, Merco, loin là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. J'suis dans le Merco, Merco, loin là-bas. J'ai dit là-bas. Les condamnés tournent, tournent dans la zone. Toujours. Les condamnés tournent, tournent dans la zone. Oh lolo, oh lolo. Un peu détente, un petit Kohiba, petit père de Carrera, j'ai les euros jusqu'à Gada. A Zolé, je suis pas non pour un massage, j'en faire ce clash, quoi du champagne, j'ai passé l'âge. Elle le petit a grandi, il veut la vie de luxe. 300 mètres carrés pour accrocher mon lustre. J'ai perdu en amour quand je suis perdu dans mes chiffres. J'ai toujours été payé, mais j'ai pas de fiche. J'suis dans le Merco, Merco, loin là-bas. J'suis dans le Merco, Merco, loin là-bas. Elle veut graille de mon bénéf, mais c'est mort. Ça peut en couture, Christian Dior. T'es mal à tes gaines, t'es mal les artistes. J'suis dans le bendo ou dans le sol. Pololo, pololo. Ah, laissez tomber. Pololo, pololo. J'arrive, on me laisse tomber. Pololo, pololo. T'inquiète. Pololo, pololo. J'arrive, on me laisse tomber. Pololo, pololo. Ah. Comme le type qui crie ara. C'est lui qui va jouer. Ils nous connaissent pas. Fais-le en 30 minutes. Je fais en 30 secondes. Je fais de la moule à chaque seconde. J'ai des follow à chaque seconde. Ah ah. Ils nous connaissent pas. Non. Le gang n'est pas sympa. Ouais. Y'a de la moula, n'est-ce pas? Fort. Y'a de la moula qui fait tout seul. Chez nous toute la journée.